بسم الله الرحمن الرحيم دورة رمضان 1434 correspondant à juillet 2013 donné depuis Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj. 9e conférence sur le résumé de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Fouad al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dans le sens rapproché du verset, Allah Ta'ala dit la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, alim al-ghayb wa ash-shahada, et il vous informera de ce que vous faisiez. Et Allah Ta'ala dit, kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayr fitna wa ilayna turja'un. Dans le sens rapproché, toute âme doit goûter à la mort et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation et c'est à nous que vous serez ramenés. Et Allah Ta'ala dit أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا. Dans le sens rapproché, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Et Allah Ta'ala dit كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتُ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنُ جُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Qui veut dire dans le sens rapproché, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Et Allah Ta'ala nous a montré que chaque âme goûtera cette âme. Et que chaque être humain, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit pieux ou pervers, mu'min ou kafir, qu'il soit croyant ou non croyant, et qu'il soit de bonne lignée, de bon rang ou de mauvais rang, qu'il soit d'une noble, de noblesse ou qu'il ne soit pas de noblesse. Et parmi les âmes qui ont goûté la mort, la meilleure des âmes, la plus pure et la plus noble de toutes les âmes, l'âme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a goûté à la mort et ce fut un malheur pour l'humanité, un malheur pour tous les croyants jusqu'à l'arrivée de l'heure. Allah Ta'ala nous a signalé la proximité et l'approche de sa mort lorsqu'ici dans le Coran al-Karim إِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَإِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ, qui veut dire dans le sens rapproché, en vérité tu mourras. Là Allah Ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. C'est-à-dire que les croyants mourront eux aussi, et les non-croyants aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Et Allah Ta'ala dit, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Et Allah Ta'ala dit, كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Allah Ta'ala dit, dans le sens rapproché, et nous avons attribué l'immortalité à personne avant toi, à nul homme. Allah Ta'ala il montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne est éternel. Et il dit, nous avons attribué à personne l'immortalité avant toi. Est-ce que si tu meurs toi, ya Muhammad, si tu meurs toi, ils seront eux éternels. Après Allah Ta'ala prouve que la mort est véridique, toute âme goûtera la mort. et nous vous éprouvons par le mal et par le bien en titre de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Et Allah Ta'ala nous montre la proximité de sa mort en disant « وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ » Qui veut dire dans le sens rapproché, Muhammadun n'est qu'un messager d'Allah. Les messagers avant lui sont passés, plein de messagers avant lui sont passés. Et s'il mourait donc, ou il était tué, retourneriez-vous sur les talons? Ce qui veut dire, est-ce que s'il mourait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apostaseriez-vous, sortiriez-vous de cette religion? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira rien en Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et parmi les approches de son heure, Allah Ta'ala dit, en révélant la surat al-Nasr, le secours, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Dans le sens rapproché, Allah Ta'ala dit, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens rentrer en foule dans la religion d'Allah, en masse, en foule, c'est que les gens ont une entrée énorme dans cette religion bénite, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le accueillant repentir, At-Tawwab. Et la preuve que cette surat, la descente de la surat al-Nasr, est une annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que rapporte l'imam al-Bukhari, d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, que Omar ibn Khattab radiallahu anhu fut interrogé sur cette surat. Il a répondu, c'est l'annonce des conquêtes. Quand il a dit, cette surat, pourquoi elle est descendue? C'est l'annonce des conquêtes des grandes villes, et des palais, et des châteaux. Ensuite, il s'est retourné à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, s'est retourné vers Ibn Abbas, et lui a dit, qu'en penses-tu à Ibn Abbas? Ibn Abbas lui a dit, non, c'est l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette surat lui a été donnée en exemple, pour lui montrer l'arrivée et l'approche de son heure. Et l'imam Ahmed rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers eux, et a dit, vous prétendez que je suis le dernier d'entre vous à mourir? Il s'adressa aux compagnons et leur dit, prétendez-vous que je suis le dernier à mourir d'entre vous? Il dit, bien au contraire, je suis l'un des premiers. Je suis l'un des premiers d'entre vous à mourir. Et vous me suivrez par groupe, séparés en vous entretuant les uns les autres. Et dans une version, en vous frappant mutuellement le cou. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Wadi'i Muqbil dans Sahih al-Musnad. Mais l'imam al-Bukhari rapporte, qu'Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna un sermon dans lequel il dit, Allah Ta'ala fait soigir à son serviteur entre la vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès d'Allah Ta'ala. Il lui a fait s'agir entre cette vie et rester sur cette vie, ou mourir, rejoindre Allah Ta'ala. Mais le serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cette phrase, il s'est mis à pleurer. Et Abu Sa'id, le narrateur, il dit, qu'est-ce qui peut bien faire pleurer ce vieil homme, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple d'un serviteur, et le serviteur a choisi ce qu'il y a de meilleur et ce qui est de plus durable, c'est-à-dire ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, Abu Bakr as-Siddiq savait que le serviteur en question dans lequel était décrit dans ce hadith était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui a été fait choisir à ce prophète bien-aimé entre la vie d'ici-bas et rejoindre Allah Ta'ala, et que le prophète avait choisi de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a pleuré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu en tant que guide spirituel et ami d'Abu Bakr as-Siddiq. Il lui a dit, Ya Abu Bakr, ne pleure pas. Il lui a remonté le moral. Il lui a dit, Ya Abu Bakr, ne pleure pas. La tabki, Ya Abu Bakr. Le meilleur garant d'entre vous les humains, dans sa compagnie et dans mes biens, et Abu Bakr as-Siddiq. Et si je devais prendre un ami intime parmi vous, j'aurais pris Abu Bakr as-Siddiq comme ami intime, mais les liens intimes sont la fraternité de l'islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, fermez toutes les portes qui donnent sur la mosquée, qui s'ouvrent sur la mosquée, sauf la porte d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Mais en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré par ce hadith qu'il donnait que le khalifa après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam était Abu Bakr as-Siddiq, puisque toutes les portes ont été fermées sauf la porte de l'émir en question, wa huwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, et la cause de cette maladie, la cause qui a causé sa mort et l'empoisonnement qu'il a subi à Khaybar Et que la preuve de cet empoisonnement, c'est que rapporte notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui dit que lorsque la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est intensifiée, il dit salawatullahu salamu alayhi, je sens mon aorte. Mon aorte, c'est la grosse veine qui sort du cœur. Je sens mon aorte se déchirer à cause du poison que j'ai mangé à Khaybar. Et comme il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour à Khaybar, une femme juive lui a apporté un mouton en cadeau. Elle lui a apporté un mouton qu'elle avait préparé en plat. Elle lui a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam en don, parce qu'elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas la sadaqa, l'aumône qui est faite pour se rapprocher d'Allah. Il ne l'acceptait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il acceptait le don. Donc elle lui a ramené ce plat en don, et le prophète sallallahu alayhi en a mangé, et Bishr ibn al-Bara radiallahu ta'ala anhu en a mangé aussi. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en signe de prophétie, a dit cette chèvre, ce plat est en train de m'informer qu'il est empoisonné, qu'il contient du poison. Et Bishr ibn al-Bara radiallahu ta'ala anhu, qui en avait mangé également, est tombé mort, raide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit venir cette femme et lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Et la femme répondit, si tu es un prophète, le poison ne t'atteindra pas. Parce qu'elle savait que les prophètes sont préservés du poison. Et si tu es un roi, j'aurais reposé les gens par ta mort. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné d'après ce que rapporte Abu Salamata radiallahu ta'ala anhu et Zarimi, le même hadith dans une version qui est authentifiée par l'imam al-Bukhari dans Sahih al-Jami'a. Et la grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu rassembler dans son prophète bien-aimé salawatullahu wa salamu alayhi, a voulu rassembler en lui des points qu'Allah ta'ala aime et agrée, qui est la prophétie, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation d'Allah et a été ordonné de la transmettre. Il a reçu la prophétie, il a reçu la véracité, qui est un prophète véridique, qui est si bien qu'il était connu Nasih al-Amin, qu'il était Amin. Ce prophète, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un de véridique, à Saddir. Et ensuite, il a rassemblé en lui la piété. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était un homme pieux, qui craignait le plus Allah ta'ala. Comme il a dit dans un hadith, je suis celui qui craint le plus Allah d'entre vous. Et il a voulu rassembler aussi, lui donner le degré de martyr, en le faisant mourir empoisonné par une juive, une ennemie de l'islam. Allah ta'ala aime ses bienfaits et il dit, en signalant ses bienfaits, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Qui veut dire dans le sens rapproché, et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah Ta'ala a comblé de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle excellente compagnie et quels bons compagnons sont ceux-là. Et Allah Ta'ala, il nous a montré, il a donné ces quatre qualités qu'Allah Ta'ala a montré que c'était des qualités qu'il aimait et que c'était des bonnes qualités. Il les a rassemblées dans ce prophète bien-aimé salawatullahu wa salamu alayhi. Puis après cela, on a commencé à voir les signes de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'approche de sa mort. Ce que rapporte Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui rapporte que chaque année on faisait réciter au prophète salawatullahu alayhi le Coran une fois. Jibril descendait vers lui, il lui faisait réciter pendant Ramadan Al-Qur'an Mara Wahida. Il lui faisait réciter le Coran pendant une seule fois pendant le Ramadan. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui récitait. Et l'année de sa mort, on lui fit réciter deux fois. Jibril fit réciter à Nabi sallallahu alayhi wa sallam Al-Qur'an Marratain. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire une retraite spirituelle, un i'tikaf. Pendant les 10 derniers jours de Ramadan, il faisait une retraite spirituelle, il restait, ne sortait pas de la mosquée à adorer Allah. Et l'année de sa mort, il resta 20 jours pendant son i'tikaf, durant sa retraite spirituelle, comme rapportait l'imam al-Bukhari. Et Muslim, il rapporte d'après Jabir ibn Abdillah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la lapidation des stèles, qui est un des rites du pèlerinage, pendant la lapidation des stèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture. Après avoir lapidé, il a dit, prenez de moi vos rites, car je ne sais pas si j'effectuerai un autre pèlerinage après ce pèlerinage-ci. Salawatullahu wa salamu alayhi. Ensuite, après le retour de pèlerinage, Nabi sallallahu alayhi wa sallam alla visiter les martyrs de Mas'ud, comme il est rapporté d'après l'imam al-Bukhari, d'après Uqbata ibn Amr, qui rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sortit prier sur les martyrs d'Uhud, après 8 années après qu'il soit mort, il est parti le prophète sallallahu alayhi wa sallam les visiter comme une personne qui salue avant un départ, comme une personne qui salue avant de quitter le vivant et de rejoindre le mort. Puis il revient à la mosquée et grimpa sur le mimbar salawatullahu salamu alayhi et prononça un sermon. Ce sermon sous ces termes, il dit aux compagnons: je vous précéderai, je serai votre témoin et votre rendez-vous est le bassin, al-Hawd. Le Hawd, comme il est rapporté dans un autre hadith, le Hawd, qui est un bassin qui se situe sur le Mawqif de l'Qiyama, sur la position du jour du jugement, qui est un bassin dont son liquide est plus blanc que le lait, et dont son goût est meilleur que le miel, et dont son odeur est plus préférable que le musc, et que ses récipients dans lesquels on boit, ses gobelets, sont plus nombreux que les étoiles. Donc il dit, votre rendez-vous, c'est ce bassin. Il dit, je suis en train de le contempler en ce moment-ci. Ça, c'est un signe de la prophétie du prophète sallallahu alayhi, qu'il voyait, on lui faisait voir dans la vie d'ici-bas, certains aspects de l'au-delà. Comme là, dans ce hadith, il a vu le Hawd, et dans d'autres hadiths, il a vu le paradis, puis l'enfer, sallallahu alayhi. Puis, il dit aux compagnons, je ne crains pas pour vous après ma mort, que vous apostasiez, que vous sortiez de cette religion pour retourner au polythéisme, il veut leur dire. Il dit, je ne crains pas pour vous ça, l'apostasie, mais je crains pour vous cette dunya, cette vie d'ici-bas, je crains que vous la convoitiez. Salawatullahu wa salamu alayhi. Ensuite, Uqba, le narrateur, il dit en rapportant ce hadith, c'est la dernière fois que j'ai vu le prophète, salawatullahu wa salamu alayhi. Allahu Akbar. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sorti de nuit, aussi pour aller visiter les morts du Baqir, c'est-à-dire les habitants du Baqir. Les Baqir, c'est un cimetière qui se trouve à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Medina. Il est parti les visiter de nuit, avant sa maladie, et là la salue les morts. Et le hadith, il est connu, il est dans le Bukhari. Au début de la maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se passa ce début de maladie? Ensuite, il rentra chez lui. Après cette visite, il rentra chez Maimouna, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère, comme l'a rapporté Ibn Kathir dans son livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasul. C'est une biographie du prophète sallallahu alayhi qu'on a étudié ici, Adal Hadith, avec Cheikhona, Cheikh Al-Imam Yahya Ibn Ali Al-Hajuri, Hafidhahullah Ta'ala. Il te dit, la maladie, cela a commencé par des migraines et une forte fièvre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui malgré cela continuait à présider la prière des mu'minines, de présider la prière des croyants. Il présidait la prière des croyants et il se déplaçait. Chaque jour, il donnait un jour à ses femmes. Chaque jour, il se déplaçait chez ses femmes comme à son habitude, jusqu'à que la douleur devienne trop dure à supporter. Le prophète sallallahu alayhi demanda permission aux co-épouses d'habiter chez Aïcha et de rester en convalescent chez elle. C'est notre mère radiyallahu ta'ala anha, nos autres mères ont accepté radiyallahu ta'ala anhunna, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplaça et resta en convalescence jusqu'à sa mort. C'est notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit pour la dernière prière qu'il fit à voix haute en tant qu'imam. C'était la prière du Maghreb, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita surat Al-Mursalat Urfa. Le hadith, il est rapporté dans le Sahihain. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sentit la maladie après le Maghreb, si bien qu'il ne pouvait plus sortir à l'Isha. Il ne pouvait plus sortir, la maladie s'est accentuée. Il demanda à Aïcha radiallahu ta'ala anha, notre mère. Il lui a dit, est-ce que les gens priaient? Elle répondit, non ya Rasulallah, la ya Rasulallah, wa hum yantadiruka, et ils t'attendent ya Rasulallah pour que tu les présides en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, apportez-moi de l'eau. On lui apporta de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi fit ses ablutions et se leva, se dressa, et d'un coup il tomba évanoui dû à la dureté de la maladie. Puis après un moment il se réveilla. Dit les gens, est-ce que les gens ont prié? Le premier des soucis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les gens ont accompli cette obligation hyper importante? Est-ce que les gens ont prié? La Aïcha répondit, non, et ils t'attendent ya Rasulallah, la wa yantadiruka ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, apportez-moi de l'eau. Il fit ses ablutions, se leva, se dressa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam tomba pour la deuxième fois, évanoui, dureté de la maladie, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveilla après prière. Il redemanda encore l'importance de cette prière, l'importance de cette prière. Est-ce que les musulmans, est-ce que les gens ont prié? On lui répondit, non, ya Rasulallah, ils t'attendent. La ya Rasulallah, yantaziruka, wa hum mustami'in li salat al-isha. Ils sont réunis pour la prière de l'Isha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la dureté de la maladie, dit, ordonnez à Abu Bakr de présider les gens en prière. Donc on partit voir Abu Bakr, on lui ordonna, on lui dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de présider les gens en prière. Abu Bakr, qui était un homme humble, dit, oh Omar, toi préside les gens en prière. Toi, Omar, préside les gens en prière. Et Omar, qui est l'humble, lui dit, humble comme Abu Bakr, lui dit, tu es plus en droit que moi de présider les gens en prière. Allahu Akbar. Alhamdulillah, et dans une autre version du hadith, Aïcha radiallahu ta'ala anha, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ordonnez à Abu Bakr de prier la prière des gens, elle a répondu, mais Abu Bakr est une personne qui a un cœur sensible, une personne qui a un gros cœur, il va pleurer, les gens vont pas comprendre, vont pas entendre sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit par trois fois, et elle de trouver cette excuse par trois fois. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi devint rouge et s'énerva et dit, ordonnez à Abu Bakr, oh Mouro Abu Bakr, il fallait le saler binnas. Ordonnez à Abu Bakr de prier la prière des gens. Ensuite, elle demanda à Abu Bakr de présider la prière des gens. Et Abu Bakr Siddiq devint l'imam des musulmans, l'imam des mu'minines pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pendant sa maladie jusqu'à la fin. Il devint l'imam. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentit mieux et il sortit en étant appuyé sur Al-Fadl ibn Abbas ou Ali ibn Abi Talib, comme il est rapporté dans un hadith d'après Muslim. Il est sorti appuyé sur eux et il marquait des traits le sol. Et il est venu dans la mosquée, les gens l'ont vu, ils étaient contents. Abu Bakr Siddiq, en train de prier, a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reculé, pensant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait prendre sa place. Wa sallallahu sallam alayhi, notre prophète, lui a demandé de rester à sa place, et on a demandé à ses porteurs de le mettre à sa gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kabbara, Allahu Akbar, rentra en prière. Abu Bakr al-Siddiq dit Allahu Akbar. Abu Bakr al-Siddiq faisait entendre les takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens qui se trouvaient derrière lui. Et les gens priaient la prière d'Abu Bakr, et Abu Bakr al-Siddiq priait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la version d'Al-Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha de dire à Abu Bakr de présider la prière, elle a voulu prendre la défense de son père par trois fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin lui a dit, ordonnez à Abu Bakr de présider la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes certes comme les compagnons de Yusuf, inna kunna sawahibu Yusuf. Et Al-Hafidh ibn Hajar, il explique quand il explique ce hadith dans le Fath al-Bari, il explique que la parole inna kunna sawahibu Yusuf, vous êtes comme les compagnons de Yusuf, il dit que la ressemblance faite entre Aïcha, notre mère radiallahu ta'ala anha, et la femme de l'Aziz, il dit la ressemblance qui a été faite entre elles dans ce hadith, c'est que la femme de l'Aziz a invité les femmes de sa contrée, de son village, les a invitées à un repas en faisant apparaître d'elles la générosité, la bienséance, le bon voisinage et le bon comportement, alors qu'en fait elle voulait prouver à ces femmes-là pourquoi, qu'est-ce qu'elle voulait, que ces femmes-là lui trouvent une excuse pour ce qu'elle a commis avec Youssouf, c'est-à-dire qu'elle l'a enfermé et qu'elle s'est donnée à lui, et ensuite après son refus elle lui a déchiré son khamis et elle l'a accusé que c'est lui qui voulait la violer, et elle a voulu par ce repas-là montrer que ces femmes, en leur montrant Youssouf, lui trouvent une excuse à son comportement. Et Aïcha, notre mère, radiallahu ta'ala anha, a voulu par ce comportement, comme il est rapporté dans Sahihayn, qu'Aïcha a dit, je n'ai souhaité repousser la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé que ce soit Abu Bakr qui préside la prière des musulmans, elle a voulu ne repousser la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement parce que j'étais persuadé que les gens détesteraient le prophète, que détesteraient le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu la grande place, l'énorme place qu'occupait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur des musulmans, et donc elle a voulu écarter son père, pas uniquement par miséricorde pour son père, de cette position. Radiallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur lui s'accentua cette maladie. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les compagnons et dit, je vais vous dicter un texte que vous ne égariez pas après ma mort, vous ne vous égarerez pas après la mort. Les gens se sont réunis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens ont divergé, pourquoi nous écrire un livre? Omar ibn Khattab dit, wallah, le livre d'Allah nous suffit, pourquoi nous dicter un livre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant la divergence entre les compagnons, il leur demanda de sortir. Dans une version, il leur dit, l'état dans lequel je suis est meilleur. Et là, il est rapporté que les innovateurs et les gens de la passion ont utilisé ce hadith comme les Shia ou les Rawafid, les Shiites et les Rawafid, ils ont utilisé ce hadith, chacun pour sa passion, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait annoncer dans ce texte que Ali ibn Abi Talib était le calife de l'islam, alors qu'il n'y a aucune preuve sur cela. Et chaque innovateur a utilisé ce hadith en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait leur dicter telle ou telle chose, voulant par cela appuyer leur passion. Ensuite, la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'intensifia et il souffrait énormément, comme il est rapporté d'après Aïcha chez l'imam al-Bukhari, qui dit que Aïcha radiallahu ta'ala a dit: je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir comme a souffert le prophète sallallahu alayhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tremblait. Sa fille Fatima radiallahu anha dit, en voyant son père souffrir: quelle souffrance mon père, quelle souffrance mon père. Elle voulait par cela plaindre son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: plus de souffrance pour ton père après ce jour. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva le rideau de sa chambre et vit les musulmans réunis en rang pour la prière de Dor et pour la prière de Fajr. Les gens étaient réunis en rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva le rideau qui sépare son appartement, l'appartement de Aïcha et la mosquée. Il leva le rideau, les musulmans l'ont vu, ils étaient contents, ils ont souri. Abu Bakr l'a vu, il a reculé en pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait sortir pour prier et les présider en prière. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit signe de continuer. C'était la dernière apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam en public. Puis après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna dans l'appartement et appela ses femmes et leur fit un sermon, les prêcha, les conseilla et les exhorta. Puis Aïcha radiallahu ta'ala anha rapporte d'après l'imam Bukhari que la fille Fatima vint au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle s'approcha de son frère. Sa démarche était la même que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en excellent père, lui dit: bienvenue à ma fille, marhaba bibanti. Et elle s'assit à la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans une version à sa gauche, et lui dit quelque chose dans l'oreille. Et elle se mit à pleurer. Ensuite, il lui dit autre chose et elle se mit à rigoler. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha lui dit: ya Fatima, je t'ai jamais vu changer de comportement aussi rapidement. Tu pleures et ensuite tu rigoles. Explique-nous. Elle lui a dit: que t'a-t-il dit? Fatima radiallahu anha, elle a dit: je ne dévoile pas les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiallahu anha a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit: en fait, Jibril me faisait réciter le Coran une fois chaque année, une fois par an, et cette année il me fit réciter le Coran deux fois, et je ne vois en cela que l'approche de ma mort, et tu es la première de ma famille à me rejoindre. Puis je me suis mise à pleurer, ce qui est une réaction normale quand un père annonce à son enfant qu'il va mourir, une réaction normale que Fatima radiallahu ta'ala anha s'est mise à pleurer. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la conseille comme un père qui ne veut pas voir sa fille triste, il la conseille et lui dit: n'arriverais-tu pas que tu sois la plus noble des femmes du paradis, ou dans une version, la plus noble des femmes des croyantes. Et Fatima radiallahu anha se mit à rigoler. Et voilà comme le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Puis, après ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu pour lui ce temps, ce moment difficile pour chaque personne, pour chacun d'entre nous, ce moment difficile, ou ce moment qui a été le plus difficile pour les compagnons, le moment de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, et le rejoindre qui était le lundi 12 de Rabi' al-Awwal de la 11e année de l'Hégire, rahimallahu wa salawatullahu wa salamu alayhi. Ensuite, Aïcha rapporte, parmi les bienfaits d'Allah Ta'ala sur elle, que le prophète salawatullahu wa salamu alayhi est mort dans son appartement, sur sa poitrine, et la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam mélangée à la salive de Aïcha. Comme elle dit que Abdurrahman ibn Abu Bakr, son frère, est rentré chez Aïcha radiallahu ta'ala anha le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait un siwak dans la main, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé le siwak. Aïcha savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le siwak. Elle lui a dit: tu veux que je te le donne? Veux-tu que je te le donne? Lui il répond d'un signe de la tête. Elle le prend de la main d'Abu Bakr, de la main de Abdurrahman, son frère. Ensuite elle le met dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas le malaxer car le siwak était dur. Donc Aïcha a vu cela et a demandé: veux-tu que je te le ramollisse? Il répondit: d'un signe de la tête, par l'affirmative en voulant dire oui, il répondit d'un signe de la tête, elle le prit, elle le ramollit dans sa bouche et le mit dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisa, puis ensuite plongea sallallahu alayhi sa main dans un récipient d'eau qu'il avait à sa droite et se passa sur visage et dit inna lil mauti la sakarat, certes la mort a des affres, la mort a des douleurs, certes la mort a des douleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrait, il a dit certes la mort a des affres, certes la mort a des affres. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva son doigt vers le ciel et dit Allahumma rafiq al-a'la, Allahumma rafiq al-a'la, et s'éteint et mourut salawatullahu wa salamu alayhi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et comme Allah Ta'ala a dit en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa la akhiratu khayrun laka min al-ula, et certes l'au-delà est meilleur pour toi que cette vie d'ici-bas. Salawatullahu wa salamu alayhi. Ensuite, après cela, le bruit commença à se répandre. La mort du guide spirituel, la mort du prophète salawatullahu wa salamu alayhi, la mort du guide spirituel. Et là, elle commença à se propager. Les gens étaient réunis dans la mosquée, à côté de l'appartement du prophète salallahu alayhi wa sallam. Et l'arrivée de son compagnon, de son ami intime, de son ami dans l'égir, de son ami intime qui ne l'a jamais quitté, qui est Abu Bakr al-Siddiq, est arrivé à cheval de sa maison de Sunnah, qui est un endroit élevé de Médine. Il descendit de la monture à côté du masjid, ensuite il se dirigea, rentra dans la mosquée et ne parla à personne. Regardez les gens réunis autour de Omar ibn Khattab, il ne parla à personne. Il rentra chez sa fille Aïcha radiallahu ta'ala anha, il rentra chez elle. Ensuite, il regarda le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était allongé. Il avait un tissu rayé mis posé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se déplaça vers lui, leva le tissu rayé, regarda le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui embrassa le front et le Abu Bakr al-Siddiq remit le drap sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pleura son compagnon et pleura le prophète salawatullahu alayhi, celui qui par qui la révélation ba'dallahu azza wa jal descendait sur les êtres humains. Le prophète Abu Bakr al-Siddiq pleura son ami. Ensuite il sortit dans la mosquée et vu les gens réunis autour de Omar ibn Khattab, et Omar ibn Khattab par ses termes de colère il criait non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, le prophète n'est pas mort. Il disait celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, je lui coupe la tête. Il est parti rejoindre Allah comme Moussa ibn Imran, le prophète Moussa est parti rejoindre Allah pendant 40 nuits, puis il est revenu vers son peuple, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reviendra parmi nous et il coupera la main et les pieds des hypocrites qui disent qu'il est mort. La position de Omar qui est dure, qui ne voulait pas accepter la mort d'un guerre, qui ne voulait pas, qui était dur, quelque chose de dur à accepter pour les habitants de Médine, pour les compagnons, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là Abou Bakr al-Siddiq, en tant que guide, en tant que imam des musulmans, il leur dit Ya Omar, assieds-toi. Ya Omar, assieds-toi. Omar refusa Omar, sous la colère d'entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit de lui qu'il est mort. Et là Abu Bakr al-Siddiq loua Allah subhanahu wa ta'ala, hamid Allah azza wa jal, thumma qal, puis après cela, il dit la double attestation. Ensuite il dit man kana ya'bud Muhammadan fa inna Muhammadan mat, celui qui adorait Muhammad, certes Muhammad est mort. Wa man kana ya'bud Allah fa innahu al-hayy alladhi la yamut, et celui qui adore Allah, il est certes le vivant qui ne meurt jamais. Et là, puis il récita ce verset wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurru Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Dans le sens rapproché du verset, il dit Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés, et s'il mourait donc ou il était tué, retourneriez-vous sur vos talons, apostaseriez-vous, vous allez sortir de cette religion? Il leur dit quiconque retourne sur ses talons mais ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et les gens se mirent à pleurer. Omar ibn Khattab, il dit que lorsque j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset, je fus atteint de vertige. Il a été atteint d'un vertige. Sa tête s'est mise à tourner jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Il ne puisse plus supporter son corps. Et il s'est effondré par terre. Et il a su alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Et Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il dit Wallah, c'est comme si les gens ne savaient pas qu'Allah Ta'ala avait révélé ce verset, Wama Muhammadan Rasulullah, mais comme si les gens ne savaient pas que ce verset-là était révélé jusqu'à ce jour. Donc les gens, ils ne cessaient de répéter ce verset. Ils répétaient ce verset. Ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Il était plus qu'un père pour les compagnons. Illuminait la vie. Illuminait, il était la relation entre lui, entre les musulmans et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Médina, elle fut atteinte d'une énorme tristesse. Comme il est rapporté d'après Ahmed et Darimi, il est rapporté que Al-Abbas il dit que j'ai jamais vu un jour aussi lumineux et aussi brillant où le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Le jour de l'Hégire, il a jamais vu un jour aussi beau, un jour aussi lumineux que le prophète est arrivé à Médine. Quand il est parti, il a émigré de Mecca. Il a dit je n'ai jamais vu un jour aussi terne, aussi triste et aussi malheureux que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et nous avons ce jour ressenti un mal-être. Il dit nous avons reçu les compagnons ce jour un mal-être dans nos cœurs, un mal-être dans nos cœurs et un rejet pour nos propres cœurs, vu la dureté de ce jour. Allahu Akbar. Puis, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tristesse des compagnons est venue, et là, le problème est venu, le problème de la succession. Qui va succéder en chef des croyants au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Abu Bakr al-Siddiq, il rapporte dans le hadith d'après Salim ibn Ubayd, qu'on retrouve dans Al-Ahad wal-Mathanid ibn Abi Asim radiallahu anhum, il rapporte qu'Abu Bakr dit rassemblez nos frères parmi les Ansar. Lui qui faisait partie des Muhajirin, des immigrés, il dit rassemblez les Ansar, rassemblez les habitants de Médine, ceux qui ont vécu à l'époque du prophète, rassemblez-les, que nous les consultions, nous consultions dans la succession. Et les Ansar disent un commandant parmi vous et un commandant parmi nous. Et dans une autre version, prenez-vous le commandement et nous le ministère. Et dans une autre version, il dit vous une année et nous une année. Puis Omar ibn Khattab se leva et dit qui sont les deux personnes conseillées par ce verset. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزني إن الله معنا فانزل الله سكينة عليه الآية. الله تعالى qui dit deuxième des deux quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon ne t'afflige pas car certes Allah est avec vous. Là Omar il leur demande qui est le deuxième des deux. Ça à ce moment là a eu lieu quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Abu Bakr al-Siddiq et ils se sont sortis de Mecca. Et là les mouchriquins, les associateurs les ont poursuivis, les ont attrapés dans un endroit et eux sont rentrés dans une grotte et là ils sont arrivés jusqu'à l'entrée de la grotte et là Abu Bakr al-Siddiq a dit au prophète regarde leurs pieds, ils ont juste à se baisser, ils nous voient. Et Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la tahzan ya Abu Bakr, la tahzan in Allah ma'ana, ne t'inquiète pas, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Et là Omar il a dit qui sont ces deux là et ce deuxième là en fait c'était Abu Bakr al-Siddiq. Puis il a dit Abu Bakr donne-moi ta main, ya Abu Bakr donne-moi ta main. Abu Bakr lui tendit la main et lui prêta un serment d'allégeance et ensuite les musulmans prêtèrent le serment d'allégeance à Abu Bakr al-Siddiq qui devient le premier calife de l'islam, calife khalifatu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis après cela les compagnons ont pensé à la toilette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur arrivait une grande divergence, comment va-t-on laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on va lui enlever ses habits, est-ce qu'on va le laver dans ses habits. Ils ont commencé à diverger et Allah ta'ala par miséricorde en voilà une somnolence. Ils se mirent tous à somnoler, à dormir, et là ils entendirent une voix du fin fond de l'appartement qui disait lavez-le dans ses habits, lavez-le dans ses habits. Allahu Akbar, encore un miracle qui montre pour préserver le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa nudité devant les êtres humains. Allah Ta'ala a voulu qu'il soit lavé et ils l'ont lavé dans ses habits, comme il est rapporté dans Sahih al-Musnad de l'imam Mukhbil al-Wadi'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiallahu anhum ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son khamis, certains versaient de l'eau et l'autre massaient pour faire rentrer de l'eau masser les vêtements pour faire pénétrer l'eau, comme il est rapporté d'après l'imam Ahmed. Et ensuite après cela ils ont posé le nabi, ils l'ont lavé trois fois avec du cidre, du jujubier, de l'eau et du cidre pendant trois fois. Ils l'ont mis dans un linceul composé de trois draps blancs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comportait ni turban ni khamis, comme il est rapporté dans le hadith de Aïcha d'après l'imam al-Bukhari radiyallahu anhum ajma'in. Et la prière, comment se passa la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enterrement, hein, il se passa les jambes rentrir, puis les femmes, puis les enfants, et par groupes successifs, et chacun priait sans imam. Comme il est rapporté dans Ahad wal-Mathani d'Ibn Abi Asim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi, il a, après le jour de sa mort, un homme demanda à Abu Bakr al-Siddiq, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort? Abu Bakr a dit, naam, il est mort. Il a dit, Ya Sahib Rasulullah, ô compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Sahib Rasulullah, est-ce qu'on va prier sur le messager d'Allah? Est-ce qu'on va prier sur lui? Oui, répondit Abu Bakr. Ya Sahib Rasulullah, comment prie-t-on sur lui? Il a dit, un groupe rentre par une porte et invoque sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, rentre, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ressort par l'autre porte. Parce que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam comportait deux portes. Une porte vers la mosquée et une porte de l'autre côté vers la rue. Et là, il dit, il rentre par une porte, il prie par groupe et il sort par l'autre porte. Et ils lui disent, Ya Sahib Rasulullah. Ensuite, il lui pose la question, au compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, va-t-on enterrer le messager d'Allah? Oui. Et où ça, lui demande-t-il? Il dit, à l'endroit même où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, car Allah ta'ala ne reprend pas l'âme des prophètes que dans un bon endroit. Et le hadith est rapporté dans Sahih al-Musnad de l'imam al-Wadi'i, rahimallah ta'ala. Puis les compagnons ont levé le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont creusé un trou, et dans le trou ils ont fait un lahd. Un lahd, c'est une fente qui est faite dans la terre, du côté de la Qibla, ils l'ont creusé où on descend le mort dans ce côté-là, ils ont descendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont posé des briques de terre pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, puis ils ont descendu la terre. Et là, lorsqu'ils ont descendu la terre, ils se sont aperçus que les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam gênaient, puis ils ont demandé à Al-Mughira, radiallahu ta'ala anhu, de descendre dans la tombe. Le Mughira est descendu dans la tombe, et lorsqu'il est descendu dans la tombe, il a commencé à arranger, il a touché les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les a arrangés. Puis il a demandé qu'on verse de la terre. On a versé de la terre jusqu'à ce que la terre est arrivée au tibia de El-Mughira. Et au milieu des tibias, El-Mughira dit, sortez-moi. Puis on l'a sorti de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, je suis le dernier à avoir été en compagnie du prophète sallallahu alayhi. Et la tombe du prophète sallallahu alayhi est musannama. C'est-à-dire, elle est en forme de chapiteau. Les deux côtés un petit peu élevés et le milieu plus élevé que les deux côtés. Et là, elle ne dépasse pas un chibre. Un chibre, c'est la distance qu'il y a entre l'extrémité du pouce et l'extrémité de l'auriculaire quand la main est écartée. Et ensuite, après cela, c'était la nuit du mercredi de Rabi al-Awwal, le 13 de Rabi al-Awwal, de l'an 11 de l'Hijr, on enterra le prophète sallallahu alayhi, on entendit les pelles pendant la tombée de la nuit. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi, Abu Bakr al-Siddiq dit à Omar, viens, nous allons visiter Umm al-Fadl qui était une compagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était une femme pieuse, on va la visiter. Omar et Abu Bakr sont partis, ils sont arrivés chez elle, ils l'ont saluée, l'ont trouvée en train de pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de visiter cette femme. Ils l'ont trouvé en train de pleurer. Ils ont dit, pourquoi tu pleures, Umm al-Fadl? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint Allah. Il est meilleur. Il est auprès de ce qu'il y a de mieux. Il a ce qu'il y a de mieux maintenant. Pourquoi tu pleures, Umm al-Fadl? Elle a dit, je ne pleure pas de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je pleure parce que la révélation s'est interrompue. Et là, Abu Bakr al-Siddiq et Omar ibn Khattab se sont regardés et se sont mis à pleurer. La fin de la révélation, la fin de la descente de Jibril alayhi salam, la fin de la connexion de l'être humain avec le Créateur, qui était le prophète Azam, qui donnait les informations d'Allah directement aux compagnons. Ils se sont mis à pleurer avec Umm al-Fadl. Nous devons retirer de cette histoire, de tout ce hadith, de cette malédiction qui atteint les musulmans, qui est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons tirer que chacun d'entre nous un jour sera ramené à rencontrer Allah ta'ala. Et cette histoire nous doit nous pousser à œuvrer énormément afin de rencontrer Allah ta'ala et qu'il soit satisfait de nous et qu'il nous fasse rentrer dans les jardins des délices, al-jannat al-ma'wa, auprès des anbiya ou des sadiqin ou des salihin ou des shuhada. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rejoigne parmi eux. Nas'al Allah azza wa jal an yaj'alna ma'ahum, an yahshurna ma'ahum. Nas'al Allah azza wa jal an yubarik fi ilmina, an yubarik fi dunyana wa fi al-akhiratina. Nas'al Allah an yajma'na fi a'la 'illiyin مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله ينفع بنا وبما سمعنا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.